Mettez la chaloupe à l'eau, mettez la chaloupe à l'eau. Matelot tomba dans l'eau, m'entendez-vous? Et si toi tu te moques, dis-moi, moi je m'y moque, dis-vous. Papa la, la ba la ba, ba la ba la. Papa la, la ba la ba. Matelot cassa sa brame. Matelot cassa sa brame. Chez Eugène qui était là, entendez-vous? Et si toi tu te moques, dis-moi, moi je m'y moque, dis-vous. Papa la, ba ba la ba. Ba la ba la. Papa la, ba ba la ba. Les folies qu'on les coupe pas. Les folies qu'on les coupe pas. Matelot les volez pas, m'entendez-vous? Et si toi tu te moques, dis-moi, moi je m'y moque, dis-vous. Papa la, la ba la ba. Bé bé bé. Papa la, la ba la ba. À la foire il s'en alla. À la foire il s'en alla. Et c'est là qu'il acheta, m'entendez-vous? Et si toi tu te moques, dis-moi, moi je m'y moque, dis-vous. La la la, la la la la. Bé bé bé. Papa la, la la la la. Une pipe et du tabac. Une pipe et du tabac. Et mon histoire s'arrête là, m'entendez-vous? Et si toi tu te moques, dis-moi, moi je m'y moque, dis-vous. Papa la, la la la la. Papa la, la la la.